Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, Colin Farrell dans une comédie sympathique. Après un contrat qui a mal tourné à Londres, deux tueurs à gages reçoivent l'ordre d'aller se faire oublier quelque temps à Bruges. Ray est rongé par son échec et déteste la ville, ses canaux, ses rues pavées et ses touristes. Ken, tout en gardant un œil paternaliste sur son jeune collègue, se laisse gagner par le calme et la beauté de la cité. Qu'avez-vous à confesser, Raymond ? Un meurtre, mon père. Pourquoi avez-vous commis un meurtre ? Pour de l'argent. Et qui avez-vous tué pour de l'argent, Raymond ? Vous, mon père. Après l'avoir tué, je suis rentré pour attendre les instructions. Allez à Bruges. Bruges. Bruges. Bruges ? Où c'est ça ? C'est en Belgique. Deux semaines à Bruges ? Dans une piole à chier ? Avec toi ? Ah non, je me casse. Monsieur Blakely ? Oui. Vous avez un message. Premièrement, soyez là demain soir quand je repasserai un coup de fil ou ça va chier. Vous avez ma parole. Dis donc, il est grossier, tu trouves pas ? On peut sortir ? Mais tu veux aller au pub ? Harry, je crois que j'ai une idée. Je retourne à ma chambre, je saute dans le canal et j'essaie de nager pour m'échapper. En sortant, tu vas jusqu'au coin. De là, tu peux m'avoir si tu vises bien. On compte 1, 2, 3 et c'est parti. Bah, qui c'est qui compte ? C'est toi qui compte. Vous êtes des malades ! Attends-toi, attends ! Si j'avais grandi dans une ferme et que j'étais débile mental, Bruges m'aurait pas impressionné. Mais je suis Dublin, alors c'est raté. C'est peut-être ça l'enfer. Passer toute l'éternité dans ce putain de Bruges. Bon baiser de Bruges. Colin Farrell, Brendan Gleeson et Ralph Fiennes, un DVD M6.